Madame d'Arbeda tenait un Raatloukoum entre ses doigts. Elle l'approcha de ses lèvres avec précaution et retint sa respiration, de peur que ne s'envolât à son souffle la fine poussière de sucre dont il était saupoudré. « Il est à la rose », se dit-elle. Elle mordit brusquement dans cette chair vitreuse et un parfum de croupi lui emplit la bouche. C'est curieux comme la maladie affine les sensations. Elle se mit à penser à des mosquées, à des orientaux obséquieux. Elle avait été à Alger pendant son voyage de noces, et ses lèvres pâles ébauchèrent un sourire. Le Raatloukoum aussi était obséquieux. Il fallut qu'elle passât à plusieurs reprises le plat de la main sur les pages de son livre, parce qu'elle s'était, malgré les précautions, recouverte d'une mince couche de poudre blanche. Ses mains faisaient glisser, rouler, crisser les petits grains de sucre sur le papier lisse. Ça me rappelle Arcachon, quand je lisais sur la plage. Depuis qu'un mal inconnu la retenait dans sa chambre, Madame d'Arbeda préférait les mémoires et les ouvrages historiques. Elle souhaitait que la souffrance, des lectures graves, une attention vigilante et tournée vers ses souvenirs, vers ses sensations les plus exquises, la mûrissent comme un beau fruit de verre. Bonjour Philippe Cabestan. Bonjour Adèle. Ravi de vous retrouver pour cette émission autour de Sartre et de la chambre. C'est le thème de cette semaine. On va beaucoup parler d'enfermement aujourd'hui. J'espère que ça ne vous évoquera pas de mauvais souvenirs. Non. Je suis vraiment très très heureux de parler de cette nouvelle de Sartre parce que il me semble que c'est l'une. Alors c'est difficile de hiérarchiser, mais c'est vraiment une excellente nouvelle. Vraiment, c'est un grand grand bonheur de la lire et on n'en parle pas beaucoup alors que le mur et l'ensemble des nouvelles rassemblées dans le mur constituent vraiment, pour moi, vraiment une œuvre littéraire et peut-être la meilleure œuvre littéraire de Sartre, si on compare avec Les Chemins de la Liberté, par exemple. On peut mettre ça peut-être sur le même plan que l'autobiographie de Sartre, Les Mots, qui est aussi un chef-d'œuvre. Mais il me semble que La Chambre fait partie des nouvelles excellentes que Sartre a écrites et vraiment, c'est un plaisir d'en parler. La Chambre est une nouvelle, vous l'avez dit, qu'on trouve dans un recueil de nouvelles intitulé Le Mur et qui toutes mettent en scène l'enfermement. Alors je disais que j'espère que ça vous ne rappelait pas de mauvais souvenirs, je faisais référence au confinement hein, qui nous a tous concernés d'ailleurs encore un peu aujourd'hui. Le recueil paraît en 1939, au début de la guerre, c'est, il faut le dire tout de suite que Sartre lui-même va connaître l'enfermement. Oui, il va connaître l'enfermement et ça va être l'occasion pour lui de se plonger dans la rédaction de Lettres et Néant, puisque en 43 il publie Lettres et Néant. Alors il a commencé déjà à rédiger Lettres et Néant auparavant, hein. On a déjà des bouts en 1939, on sait que déjà il a commencé à rédiger. Et donc ces périodes de confinement peuvent être aussi des périodes très fécondes, productives, l'occasion de travailler et d'écrire. Donc c'est pas forcément négatif, même si, comme tous les autres, moi je souffre un peu de l'absence de vie sociale, je souffre évidemment d'être reclus et bon... C'est un mauvais moment à passer, espérons-le. Et on peut toujours manger des loukoums comme le personnage principal de la nouvelle La Chambre pour faire passer le temps. Alors j'ai dit que Sartre avait connu l'enfermement. En fait, il est fait prisonnier et interné au camp allemand le Stalag de juin 1940 à mars 1941. Il était alors chargé de sondages météorologiques pour l'aviation militaire française. Et au-delà de cette expérience, le rapport à soi entre quatre murs est quelque chose qui préoccupe beaucoup Sartre et qu'on retrouve non seulement dans ses nouvelles, mais même dans toute son œuvre, il va en proposer une réflexion proprement philosophique. Oui, puisque on retrouve bien sûr ce thème dans la grande pièce célébrissime Huis clos, et puis dans Les séquestrines d'Altona. C'est une pièce de 1959, et là on retrouve des thèmes d'ailleurs qui recoupent ceux de La Chambre, donc de la nouvelle, et de Huis clos. Ce thème de l'enfermement est tout particulièrement de l'enfermement de différents êtres en raison d'un être qui lui s'est enfermé et qui est avant tout enfermé par la folie. Alors le terme folie est peut-être trop vague, mais c'est secondaire. L'idée, c'est que des êtres s'enferment, sont enfermés en eux-mêmes et ils s'enferment dans une chambre et ils décident de ne pas sortir, de rester donc enfermés dans leur chambre. Alors, Madame Darbeda, j'ai lu le début de la nouvelle, mange des loukoums, mais elle redoute une chose, c'est que son mari entre dans la chambre, parce que son mari, tout simplement, elle ne le supporte plus. Et la description du loukoum qui ouvre la nouvelle, et c'est pour ça qu'elle a ouvert cette émission, est à l'image sans doute de la viscosité qui était si chère à Sartre, que lui inspire son mari avec le plaisir du sucre en moins, on pourrait le dire ainsi. Oui, il faut dire que déjà dans cette première page, on retrouve bon nombre de thèmes qui sont proprement sartriens. Vous avez évoqué la viscosité, il y a une tonalité de dégoût, de léger dégoût dans la description. Elle mord donc dans cette chair vitreuse, hein, et un parfum de croupi lui emplit la bouche. C'est étonnant comme Sartre ici témoigne de ce dégoût qui n'est pas la seule note de ces descriptions. Mais il y a chez Sartre, et je dois avouer que je partage totalement cette approche, il y a la capacité à ressentir très fortement le dégoût que peuvent susciter certains objets, que peuvent susciter certaines situations, la saleté, etc. Et même dans le cas d'un loukoum, le dégoût est possible. Et donc cette chair est vitreuse et il y a un parfum de croupi. Mais il y a d'autres aspects aussi qui sont intéressants dans cette première page. C'est le fait que cette femme, elle souffre d'un mal inconnu. Et j'ai très envie de parler de ma grand-mère à ce propos, parce que je me souviens très bien, et ma grand-mère était née en 1900, donc c'est des dates qui coïncident, ma grand-mère aussi, à partir d'un certain âge, souffrait d'un mal inconnu, et la grande question qu'on se posait le matin, c'était de savoir si elle était malade peu bien ou malade pas bien. Si elle était malade peu bien, ça allait à peu près. Si elle était malade pas bien, ah là c'était dommage, la journée était mal partie. Mais je trouve que c'est une figure tout à fait intéressante de la féminité aussi, de la féminité d'un certain âge qui tout d'un coup on sait pas très bien pourquoi, c'est un mélange de oui, on pourrait dire tempérament dépressif, un peu de dégoût de vivre, sans doute le mari ne satisfait plus beaucoup sa femme, les beaux souvenirs sont passés, et il y a une morosité qui s'instaure, et on est malade peu bien. Et Madame Darbeda souffre d'un mal inconnu. Bon, elle a ses vapeurs, ça va pas comme ça, voilà. Alors, je sais pas si c'est proprement féminin, en tout cas, ne pas pouvoir identifier la raison du mal est quelque chose que l'on retrouve chez les autres personnages, puisque la fille de Monsieur et Madame Darbeda, qui s'appelle Ève, est mariée à Pierre, qui, lui, est déclaré malade, c'est même fou, sans que l'on sache non plus vraiment de quoi il souffre, mais la question de la véracité ou non de la maladie est centrale. Dans ce texte, on ne sait pas si c'est un fantasme, ou si c'est un fait, ou si c'est le regard que les autres portent sur lui. C'est toute la question, et là encore, c'est très sartrien, que de savoir si pour parler d'une chose, il faut se placer du point de vue de la personne elle-même ou du regard que les autres jettent sur lui. Alors ça, c'est tout à fait passionnant et je trouve que c'est l'un des grands intérêts de cette nouvelle. C'est la mobilisation par Sartre de tout un travail en amont qui est un travail philosophique et je dirais de psychologie phénoménologique. Pour bien comprendre en fait cette nouvelle, bon pour l'approfondir, il faudrait lire auparavant un texte important de Sartre qui s'intitule L'Imaginaire, qu'il a publié pour ainsi dire au même moment. C'est un gros travail L'Imaginaire, un gros travail justement sur ce que Sartre appelle la conscience imagante, on peut appeler ça très simplement l'imagination. Et il y a un chapitre de L'Imaginaire qui nous concerne directement, c'est le chapitre qui est consacré aux pathologies de la conscience imagante, aux pathologies de l'imagination. Et il y a, chez Sartre, déjà dans les années 30, un travail, une réflexion. Il faut rappeler peut-être que Sartre a traduit la psychopathologie générale de Jaspers, et que donc cet intérêt pour le pathologique est pas nouveau. Mais dans le prolongement de ce travail, il écrit donc L'Imaginaire, il écrit ce chapitre sur les pathologies de l'imagination, et parmi les pathologies de l'imagination, il étudie des phénomènes comme l'hallucination, il étudie l'obsession, il étudie ce qu'on appelle à l'époque, alors c'est une dénomination qui n'a plus cours, ce qu'on appelle la psychose hallucinatoire. Et en réalité, la chambre met en scène un cas de psychose hallucinatoire. Et Pierre est donc ce qu'on appellerait peut-être de nos jours plus vaguement un schizophrène. Mais dire cela, c'est peut-être aussi être trop précis. Et ce serait un peu dommage de comment dire, de plaquer des connaissances, disons, psychopathologiques, philosophiques, sur un texte qui est avant tout un texte littéraire. Et là, je dirais que ce qui est très intéressant, c'est que on a différents points de vue. Le point de vue de Madame d'Arbeda, le point de vue de Monsieur d'Arbeda, le point de vue de Ève, on pourrait ajouter le point de vue de Docteur Franchot, pardon, sur donc un homme dont on n'a jamais le point de vue. C'est-à-dire que dans la nouvelle, jamais la parole est donnée à Pierre, au sens où jamais Pierre dit ce qu'il ressent, comment il vit, etc. Mmh. Et donc, on est toujours en seconde personne, ou en troisième personne. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Pierre, eh bien, on est embarrassé. Est-ce qu'il est vraiment malade? Et là, on trouve un thème vraiment typiquement sartrien. C'est le thème de la comédie. Au fond, il y a toujours en chacun d'entre nous un comédien. Alors, il y a des textes célébrissimes qu'on connaît sur le garçon de café qui joue à être garçon de café. Eh bien, il me semble que on pourrait aussi lire la nouvelle et la description de Pierre de ce point de vue, parce qu'à plusieurs reprises, on a l'impression que Pierre joue la comédie, ou du moins ceux qui l'entourent ont l'impression, notamment Monsieur d'Arbeda, a l'impression que Pierre joue la comédie. Bref, il y a une incertitude. Or, cette incertitude, elle n'est pas simplement liée à une forme de cécité. En réalité, cette incertitude, elle est inscrite dans l'être au sens où la folie, et là c'est une thèse qui est vraiment intéressante, la folie, la schizophrénie, ça reste une conduite humaine. Une conduite qui est donc adoptée par le malade, et c'est une conduite qui ne l'empêche pas, parfois, d'en rajouter. Il y a, à ce propos, il y a un exemple qui est tout à fait amusant, c'est lorsque Ève donne son repas à Pierre, et Pierre refuse la fourchette. Il lui dit, oh non, non, cette fourchette, non, non, j'en veux pas. Et Ève, bien sûr, accepte de changer la fourchette, mais quelques pages plus loin, on apprend que cette fourchette, en fait, elle avait presque rien. Et là, c'est page 64, si je me souviens bien, Pierre dit à Ève, oh mais, tu sais, la fourchette, elle n'avait presque rien. Elle avait quand même quelque chose. Et tout est dans le presque. Si elle avait quand même quelque chose, c'est bien que ça va pas. Mais il en a rajouté. Tout ça pour embêter son beau-père, Monsieur d'Arbeda. Voilà, qui était présent, et on se demande si c'est pas une mise en scène que Pierre produit pour effrayer son beau-père, parce que Monsieur d'Arbeda ne supporte pas que Pierre soit fou. Pour Monsieur d'Arbeda, le monde se distingue entre d'un côté les gens qu'il appelle normaux et les fous. Et il veut à tout prix que Pierre soit enfermé pour de bon dans un asile parce qu'il est fou. Mais là où c'est beaucoup plus subtil, c'est que si on se place du point de vue d'Ève, on se rend compte que cette distinction ne tient pas vraiment. Alors je vous propose qu'on écoute un texte ensemble, Philippe Cabestan, un extrait de cette nouvelle La Chambre, où on va se placer du point de vue d'Ève, qui est censée être bien portante, mais qui elle-même se pose la question. Voici le texte lu par Denis Podalydès. Ève fit un pas vers la chambre de Pierre, mais elle s'arrêta aussitôt et s'adossa au mur avec un peu d'angoisse. Comme chaque fois qu'elle avait quitté la chambre, elle était prise de panique à l'idée qu'il lui fallait y rentrer. Pourtant, elle savait bien qu'elle n'aurait pas pu vivre ailleurs. Elle aimait la chambre. Elle fixait le bouton de la porte close et l'angoisse lui serrait la gorge. « Il faut que j'y aille. Je ne le laisse jamais seul si longtemps. Il faudrait ouvrir cette porte. » Ensuite, Ève se tiendrait sur le seuil en tâchant d'habituer ses yeux à la pénombre et la chambre la repousserait de toutes ses forces. Il faudrait qu'Ève triomphât de cette résistance et qu'elle s'enfonçât jusqu'au cœur de la pièce. Elle eut soudain une envie violente de voir Pierre. Elle eût aimé se moquer avec lui de d'Arbeda. Mais Pierre n'avait pas besoin d'elle. Ève ne pouvait pas prévoir l'accueil qu'il lui réservait. Elle pensa soudain avec une sorte d'orgueil qu'elle n'avait plus de place nulle part. Les normaux croient encore que je suis des leurs, mais je ne pourrais pas rester une heure au milieu d'eux. J'ai besoin de vivre là-bas, de l'autre côté de ce mur. Mais là-bas, on ne veut pas de moi. » écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Nous continuons notre série autour de la chambre. Et aujourd'hui, c'est la chambre de Jean-Paul Sartre. En tout cas, c'est le titre d'une de ses nouvelles qui nous accompagne en compagnie de Philippe Cabestan. Cette chambre, donc, est celle de Pierre dans laquelle il est enfermé, dans laquelle Ève n'ose pas entrer. C'est ce que dit ce texte lu par Denis Podalydès, qui donne à ses paroles toute leur intensité. On voit que Ève reprend à son compte cette distinction entre les normaux et les malades. Et les normaux, elle ne sait pas si elle y appartient. Elle voudrait sans doute être normale, mais le terme de normal, c'est celui qu'emploie son propre père, qu'elle déteste, si bien qu'elle se dit « je n'ai de place nulle part ». Et c'est ça sa tragédie. Alors, moi je dirais, pour aller dans votre sens, je dirais que on a d'une part Monsieur Darbeda, donc le père d'Ève, qui est l'incarnation du bon sens, qui est l'incarnation de la santé, de la force, j'aurais même envie de dire la virilité. Il a pitié des malades, et c'est un père de famille qui est soucieux et responsable de sa fille et qui aimerait bien en fait que sa fille se sépare, divorce de ce malade. Alors ça, c'est le point de vue de Monsieur Darbeda. Le point de vue de Ève est très subtil. Et là, il y a aussi la subtilité de la réflexion de Sartre sur, on va dire, la folie, pour faire simple. Parce que il y a à la fois un mur entre Ève et Pierre, donc son mari, il y a un mur et en même temps, il y a la volonté d'Ève de triompher de ce mur et d'être avec son mari. Mais voilà, n'est pas fou qui veut. La folie, ça se décide pas. Il suffit pas d'avoir envie d'être fou pour être fou. Il suffit pas non plus de jouer la comédie de la folie pour être fou. Et là, on trouve un des thèmes dominants de cette nouvelle, c'est l'idée que, effectivement, il y a quand même un mur entre le normal et le pathologique, pour reprendre des expressions. Mmh. Il y a un mur entre ceux qui sont fous et ceux qui ne le sont pas. Et je crois que c'est une idée qui est très très intéressante, parce que on a été, enfin moi en tout cas, j'ai été baigné avec l'idée que entre les fous et les non-fous, il y avait une différence de degré, vous savez, dans le courant un peu de « nous sommes tous des pervers polymorphes », etc. Là, il y a une idée qui est beaucoup plus profonde, me semble-t-il, c'est la découverte, le dévoilement d'un mur, précisément, entre la folie et ceux qui ne le sont pas. Et bien sûr, Darbeda incarne le bon sens, lui, il veut qu'on enferme le fou, et il veut en fait séparer sa fille de ce fou. Mais Ève, elle, a un point de vue qui est, je dirais, tout aussi faux. Et elle s'en rend bien compte qu'il est faux, son point de vue. Son point de vue, c'est « j'aime Pierre et je veux être avec lui ». Mais en fait, le récit de la chambre, c'est le récit de son échec. Elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas. Et c'est bien le sens de cette description qui est très belle quand Sartre écrit « la chambre la repoussait de toutes ses forces ». C'est que elle peut pas en fait rentrer dans cette chambre. Hein. Et après, il enchaîne les subjonctifs imparfaits. Il faudrait qu'Ève triompha de cette résistance et qu'elle s'enfonçât jusqu'au cœur de la pièce. Ce qui veut dire que, évidemment, elle souhaite, elle voudrait rentrer dans la pièce. Mais j'ai envie de dire, même si physiquement elle rentre dans la pièce, elle n'y rentre pas pour de vrai. Elle ne sera jamais véritablement, elle, enfermée dans la chambre, comme Pierre est enfermé dans cette chambre. Parce que l'enfermement de Pierre, il n'est pas spatial, bien évidemment. Il n'est pas confiné au sens propre. Il est enfermé en lui-même, enfermé dans sa propre folie. Mais une folie qui n'est pas non plus, et c'est ça la subtilité du texte, c'est une folie qui n'est pas non plus totalement folle. On dit parfois, oh, il est complètement fou. Eh ben, en fait, dans sa folie, il garde une profonde humanité, puisqu'il déteste son beau-père, et pour lui casser les pieds, il le fait marcher avec une histoire de petite de fourchette, etc. Il est capable aussi d'échanger avec Ève. Et même parfois, alors ça, ce serait une petite critique qu'on pourrait faire. Est-ce que dans cette description d'un schizophrène, au fond, Sartre n'accorde pas trop d'humanité au schizophrène, puisque il passe un peu trop rapidement, à mon goût, disons, du mode délirant au mode non délirant. Il passe du mode délirant, solitaire, au mode non délirant où il parle avec Ève et où il échange avec Ève. Et ça, c'est un point un peu problématique. Alors, Pardonnez-moi, je rebondis sur ce point. Alors, on ne se voit pas, hein, évidemment, je signale aux auditeurs qui l'auront compris que nous ne sommes pas dans la même pièce, évidemment, puisque nous sommes chacun chez soi pour faire cette émission entre nos quatre murs. Et donc, je me permets de vous interrompre parce que je voudrais rebondir sur ce point-là qui me paraît très intéressant. Vous dites que c'est pas très crédible, au fond, ce schizophrène qui passe en un instant d'un état de folie à un état dit de normalité, pour reprendre les mots de Monsieur Darbeda, que je trouve beaucoup moins représentatif du bon sens que vous le laissez entendre, mais c'est peut-être un point de désaccord. Au contraire, me semble-t-il, c'est là tout l'intérêt de la nouvelle, c'est parce que le lecteur ne sait pas si le personnage de Pierre est vraiment fou. Est-ce qui peut paraître invraisemblable, n'est-ce pas un indice que nous donne Sartre, qui décidément, en quelques pages seulement, puisque c'est une nouvelle, parvient à brouiller toutes les pistes, et c'est en ça que cette nouvelle est formidable. Et finalement, on se dit, mais le lecteur se demande si Pierre est vraiment fou et s'il ne feint pas une sorte de folie pour exister, pour essayer d'avoir accès, pourquoi pas à Ève, ou d'embêter son beau-père qu'il déteste. Peut-être que le doute plane et que c'est ça qui est glaçant dans la nouvelle. Aucune étiquette ne peut être collée de manière décisive. Normal, pathologique, fou, pas fou. Oui. Je vous entends bien. Je vous entends bien. Bien que je sois aussi dans ma chambre, enfermée, entre mes quatre murs. Je vous entends bien. Avec simplement, alors je voudrais faire juste une petite nuance. Me semble-t-il, en tout cas c'est la lecture que je vous propose de cette nouvelle, me semble-t-il, il faut bien tenir Pierre pour fou. Mais tenir un homme pour fou, ce n'est pas lui retirer son humanité. Et c'est là la nuance, c'est que précisément Pierre est fou, au sens où il est victime d'hallucinations, il vit enfermé dans cette chambre, il est capable de délirer, et donc ici, je dirais, il y a tous les symptômes de la folie, mais il faut éviter, et c'est là l'intérêt de cette nouvelle de Sartre, il faut éviter de plaquer sur Pierre, je dirais, un certain nombre de préjugés ou de présupposés sur la folie. Au sens où quelqu'un qui serait fou, ben, il serait complètement fou. L'idée, c'est que précisément, un fou peut être fou sans jamais être complètement fou. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Sartre fait des allers-retours entre le mode délirant et le mode non délirant. Et tout d'un coup, bon, en plein délire, Pierre s'adresse à Ève, il l'appelle Agathe, mais il s'adresse à elle et il dit « Où es-tu ?» Et elle répond « Je suis là ». Et donc là, il est plus du tout délirant. Mais ce qui me semble intéressant, c'est la mise en scène de la folie. En tant que la folie n'est pas pure folie, c'est une conduite. C'est une conduite qui est adoptée. Alors, ce qui est très intéressant d'ailleurs dans la suite de la nouvelle, c'est de voir que même les hallucinations relèvent d'une conduite. En réalité, Pierre vit dans une chambre dans laquelle on ne voit, pour ainsi dire, presque rien. Il y a une vague lueur. Mm-hmm. Il vit, bien sûr, les volets et les rideaux tirés. Il y a une odeur d'encens, etc. Il a déjà préparé, je dirais, le terrain de l'hallucination. Et là, il y a aussi une thèse de Sartre concernant l'hallucination. C'est que les hallucinations, elles vous tombent pas dessus, mais elles s'inscrivent dans une conduite hallucinatoire. Et là, à nouveau, il nous prend en défaut sur la manière dont on peut considérer ce qu'est la folie et ce qu'est l'hallucination. L'hallucination, c'est une conduite hallucinatoire. Et donc, le fou n'est pas aussi fou qu'on le pense. Mais je dirais que Sartre, lui, et je trouve que c'est un mérite justement de sa réflexion et de sa pensée sur la folie, c'est que il ne va pas jusqu'à mélanger, comme ça a été de bon ton, dirons-nous, dans les années 70, peut-être 80, de dire « Ah bah oui, on est tous un peu fous, il y a les fous, mais moi aussi je suis un peu fou. » Non, il y a un mur. Et donc le mur existe, et lorsque Ève essaye de rejoindre Pierre, eh bien elle échoue. Et elle s'en désole, mais elle en a conscience. C'est à la fin de la nouvelle. Les statues volaient bas et doucement. Elles bourdonnaient. Ève savait qu'elles avaient l'air malicieux et que des cils sortaient de la pierre autour de leurs yeux. Mais elle se les représentait mal. Elle savait aussi qu'elle n'était pas encore tout à fait vivante, mais que des plaques de chair, des écailles tièdes, apparaissaient sur leur grand corps. Au bout de leurs doigts, la pierre pelait, leurs paumes les démangeaient. Ève ne pouvait pas voir tout cela. Elle pensait simplement que d'énormes femmes glissaient tout contre elle, solennelles et grotesques, avec un air humain et l'entêtement compact de la pierre. Elle se penche sur Pierre. Ève faisait un effort si violent que ses mains se mirent à trembler. Elle se penche vers moi. Un cri horrible la glaça tout à coup. Elles l'ont touché. Elle ouvrit les yeux. Pierre avait la tête dans ses mains. Il haletait. Ève se sentit épuisée. « Un jeu, pensa-t-elle avec remords. Ce n'était qu'un jeu. Pas un instant, je n'y ai cru sincèrement. Et pendant ce temps-là, il souffrait pour de vrai. Voilà la description des hallucinations dont souffre Pierre. Des statues viennent voler autour de lui, il ne les voit pas non plus, mais il les entend. Et Ève, dans l'extrait que je viens de lire, essaye de se mettre à la place de Pierre pour comprendre cette hallucination, et elle-même en arrive à la conclusion que ce n'est sans doute qu'un jeu auquel elle ne croit pas, et pourtant, il souffre. Voilà encore une frontière qui saute, Philippe Cabestan. C'est pas entre normal et pathologique, c'est entre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui n'est qu'un jeu, ce que l'on croit, et ce qui est réellement. Et là aussi, on est en pleine analyse sartrienne, soit de ce qu'on pourrait appeler de la mauvaise foi, soit de l'authenticité. À quel moment sommes-nous vraiment quelqu'un, ou à quel moment sommes-nous en train de jouer? Peut-être qu'il faudrait rappeler pour nos auditeurs un petit élément biographique. Sartre s'est tellement intéressé aux phénomènes hallucinatoires, aux conduites hallucinatoires, qu'il a pris lui-même, il s'est fait injecter de la mescaline pour connaître lui-même des hallucinations. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors évidemment, il en est question dans l'imaginaire quand il décrit l'hallucination, mais Sartre distingue bien entre l'hallucination artificielle qui est le fruit donc d'une injection de mescaline, et puis l'hallucination qui accompagne la psychose hallucinatoire et qu'on trouve dans certaines formes de schizophrénie. Pourquoi il fait cette distinction? Parce que justement, et là, on n'est pas d'accord dans notre lecture, je crois, de la nouvelle, c'est que... Tant mieux. Oui, on n'est pas d'accord parce que moi, je bâtis le mur et vous le détruisez. Et donc, c'est ça. Et donc là, on va... Mais c'est vous le sartrien, donc j'imagine que vous êtes plus fidèle à sa pensée, mais moi, c'est comme ça que je le dis. Oui. Non, je sais pas si je suis fidèle véritablement, mais il me semble qu'il y a effectivement un mur. Et ce qui est passionnant dans l'extrait que vous avez lu concernant l'hallucination, c'est que justement, Ève fait tout ce qu'elle peut pour avoir des hallucinations. Mais je dirais que elle voudrait, en quelque sorte, elle veut, au sens de la volonté, au sens d'une démarche réflexive, elle veut éprouver des hallucinations. Mais ça marche pas comme ça, l'hallucination. Et alors, elle fait tous les gestes, et in fine, elle a bien conscience que c'est une comédie. Elle a failli. Alors là, il faudrait presque convoquer peut-être le paradoxe du comédien. Elle a failli éprouver une hallucination, mais elle reste au bord. Alors que Pierre, lui, il éprouve véritablement. Et lui, il souffre. Elle joue à souffrir. Alors le paradoxe du comédien, juste, je fais une parenthèse, vous faites référence au texte de Diderot qui s'interroge sur la meilleure façon de jouer pour un acteur. Un acteur, pour bien jouer la tristesse, doit-il ressentir la tristesse ou la feindre? Voilà. Et à force de jouer la tristesse, parfois il est au bord d'éprouver de la tristesse. Et alors, vous voyez, d'ailleurs c'est un texte que Sartre a commenté, hein, le paradoxe du comédien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette réflexion sur la comédie, Ève joue la comédie de l'hallucination. Mmh. Elle est au bord de l'hallucination, mais hey, le mur est là, je le répète, le mur est là, et elle peut pas partager, et je trouve que ça, c'est une thèse qui est intéressante, c'est que il y a un mur, et donc on ne peut, l'empathie, si on peut dire, l'empathie, le partage véritable n'est pas possible. Elle peut pas rentrer dans le délire, elle peut pas éprouver l'hallucination. Et donc, elle peut toujours s'énerver, s'exaspérer dans son amour, au sens où elle peut se mobiliser tout entière pour aimer et partager et vivre avec et éprouver ce qu'éprouve Pierre, mais en réalité, il y a un mur. Et là, ce mur, c'est le mur de la maladie. Là, on est confronté à un obstacle. Alors, que se passe-t-il si ces mêmes personnes, enfin, en tout cas, un nombre équivalent de personnages, on va en prendre trois, se trouvent enfermés de manière involontaire entre quatre murs? Est-ce que cette empathie peut jaillir de manière plus appropriée, ou au contraire? Eh ben, c'est le sujet d'une pièce qui s'appelle Huis clos, qui elle date de 1944. Elle a été écrite en 1943 et jouée pour la première fois en mai 44 au théâtre du Vieux Colombier. Les trois personnages que l'on trouve dans Huis clos sont Inès, Estelle et Garcin. La pièce s'ouvre, on ne sait pas, Garcin lui-même ne sait pas ce qu'il fait là. Les personnages vont intervenir les uns après les autres sans que l'on sache vraiment s'ils sont en enfer, s'ils sont morts, jusqu'à ce que, et je vous propose, Philippe Cabestan, qu'on commence par la fin, parce que vous entendrez cette formule célèbre qu'on pourra ensuite commenter, jusqu'à ce qu'on se rende compte que, enfermés ensemble, ces trois personnages n'ont d'autre choix que d'arriver à la conclusion suivante: l'enfer, c'est les autres. Garcin abandonne Estelle et fait quelques pas dans la pièce. Il s'approche du bronze. Le bronze. Eh bien, voici le moment. Le bronze est là. Je le contemple. et je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais devant cette cheminée, pressant ma main sur ce bronze, avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Vous n'êtes que deux. Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors, c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez, le soufre, le bûcher, le grill. Oh, quelle plaisanterie. Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. Mon amour, laisse-moi, elle est entre nous. Je ne peux pas t'aimer quand elle me voit. Ah, eh bien, elle ne nous verra plus. Elle prend le coupe-papier sur la table, se précipite sur Ignace et lui porte plusieurs coups. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es folle! Tu sais bien que je suis morte. Morte? Ignace prend le couteau et s'en frappe. Morte? Morte? Morte? Et nous sommes ensemble pour toujours. Pour toujours? Mon Dieu, que c'est drôle, pour toujours! Garçon rit. Pour toujours! Il tombe assis, chacun sur son canapé. Un long silence, il cesse de rire et se regarde. Garçon. Eh bien, continuons. Et ce sont les derniers mots de cette pièce, ici interprétée seule par le comédien Michel Vitold, hein, le 24 mars 1956, au même théâtre du Vieux Colombier. C'est une performance que d'interpréter à lui seul ces trois personnages. Et d'ailleurs, c'est pas hors sujet, hein, Philippe Cabestan, puisque... Si on part du principe qu'en plus l'hallucination intéresse Sartre, on se demande ici si tout ça n'est qu'une hallucination et si les personnages existent vraiment. Donc d'entendre les trois personnages à travers une seule et même voix d'un même comédien a quelque chose de vertigineux. Oui, c'est là aussi c'est vraiment un très beau texte, une très belle pièce de Sartre que j'ai relu justement hier pour le plaisir, mais aussi pour préparer l'émission bien sûr. Mmh. Et la fameuse formule l'enfer c'est les autres bien sûr. Je crois que maintenant tous les écoliers de France la connaissent, hein. De même qu'on connaît demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Eh bien maintenant on sait que l'enfer c'est les autres. La difficulté, c'est peut-être de bien interpréter cette formule parce que elle a prêté à de multiples confusions. Et avant d'aborder cette formule, le sens de cette formule, je voudrais insister sur un point qui me semble très intéressant, c'est la question du regard. Il est question, effectivement, dans le passage qui a été lu, du regard, et ils ne sont jamais que trois. Donc, chacun est regardé par deux autres personnes. Mais il y a l'idée que ces deux regards suffisent pour, au fond, de manière métonymique, pour représenter tous les regards de l'humanité. Et Garcin dit « tous ces regards qui me mangent ». Et alors là, il y a un élément vraiment important pour bien comprendre, d'ailleurs la formule « l'enfer c'est les autres », c'est ce qu'on pourrait appeler la conception sartrienne du regard, qui fait l'objet bien sûr d'une longue analyse dans « L'être et le néant ». Parce que il faut bien comprendre que pour Sartre, se sentir regardé, être regardé est une épreuve. Ces regards qui me mangent. Et dans L'être et le néant, Sartre souligne le fait que le regard d'autrui est un regard qui me persécute d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que le regard d'autrui m'objective. J'ai honte ou je suis fier. Les deux attitudes sont possibles. J'ai honte, pour ma part, ce serait plutôt la honte. J'ai honte sous le regard d'autrui. Le regard me saisit, il me surprend, et il m'étiquette, il me chosifie, il me réifie, il me dégrade. Et donc, sous le regard d'autrui, je suis d'abord un corps, j'aurais envie d'ajouter, plus ou moins répugnant, plus ou moins attirant, c'est selon, mais je suis un corps, et je suis ce que je suis comme saisi par le regard de l'autre, et ce regard, donc, nous dit Garcin, ce regard me mange. Je suis comme avalé par autrui, je ne m'appartiens plus. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas ce que autrui pense de moi, je ne sais pas ce que autrui voit de moi. Et il y a un détail de la pièce qui est tout à fait intéressant, que j'ai noté en la relisant hier, c'est que il y a toute une réflexion sous-jacente dans cette pièce de théâtre sur la glace. Peut-être que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de glace. Et Estelle, qui est un peu coquette, elle voudrait bien pouvoir se repeigner, se recoiffer, se remettre du rouge à lèvres. Et elle constate elle-même qu'il n'y a pas de glace. Et cette absence de glace est significative. Peut-être que je surinterprète, je ne sais pas. Mais il me semble qu'on pourrait donner une signification à cette absence, en tout cas qui est délibérée de la part de Sartre, puisqu'il le souligne à plusieurs reprises, il n'y a pas de glace. On peut donner un sens à cette absence dans la mesure où se regarder dans la glace, c'est tenter de se voir comme l'autre me voit. Ici, je dirais que, contrairement à ce qu'on pense, quand je me regarde dans la glace, c'est pas pour m'admirer ou me sourire ou etc. C'est pas vrai. J'essaye de voir, de saisir ce que l'autre saisit de moi. Et donc, l'absence de glace rend la situation encore plus infernale, parce que je m'échappe ce que je suis pour autrui, ce que mon visage présente au regard d'autrui, ce que mon corps, la manière dont mon corps apparaît à autrui, je ne peux absolument pas la contrôler. Et alors, il y a un moment qui est assez intéressant, c'est Estelle qui demande à Inès de la guider. Elle essaye de voir dans ses yeux si elle a bien mis son rouge à lèvres. C'est un ersatz, mais on comprend bien toute la difficulté et toute l'importance de la glace. Pouvoir se regarder, c'est pas du narcissisme, parce que c'est une relation en fait qui est en apparence narcissique, mais qui convoque l'autre, au sens où j'essaye de voir dans la glace ce que je suis pour l'autre. Et toute la difficulté, et maintenant on peut comprendre l'enfer c'est les autres, toute la difficulté pour ces êtres, pour Estelle, Inès et Garcin, c'est de se retrouver sous le regard des uns des autres. J'ai voulu dire, l'enfer c'est les autres. Mais l'enfer c'est les autres a été toujours mal compris. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont au fond ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond, nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres ont, nous ont donné de nous juger. Quoi que je dise sur moi, toujours, le jugement d'autrui entre dedans. Quoi que je sente de moi, le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut dire que si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui, et alors, en effet, je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Vous écoutez Jean-Paul Sartre sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, qui commente sa propre pièce « Huis clos ». C'était une archive de 1964. Ce que dit Sartre est particulièrement précieux, Philippe Cabestan, pour aller encore plus loin dans ce que vous venez de dire, parce qu'il nous fait comprendre que si l'enfer, c'est les autres, c'est pas simplement parce que leur jugement sur nous nous est insupportable, c'est parce qu'il nous est indispensable. Les autres, ça reste, le jugement des autres reste ce qu'il y a de plus important dans notre propre connaissance de nous-mêmes. Ils viennent se substituer à cette connaissance de soi qui nous est impossible. C'est là le drame et c'est là l'enfer. Alors cette archive est vraiment précieuse, si je calcule bien, elle a en gros 20 ans, 21 ans de distance avec le texte de 43, avec la pièce, et elle est précieuse parce que effectivement, elle permet de rectifier un contresens qui est souvent fait à propos donc de la formule célébrissime « l'enfer c'est les autres ». En effet, pour Sartre, le rapport à autrui, notre relation aux autres, n'est pas nécessairement et toujours infernal. Et on peut, chacun d'entre nous, j'espère, est capable de se rappeler d'heureux moments passés en compagnie des autres. Donc la relation à autrui n'est pas nécessairement et toujours pourrie, comme il dit dans cette archive. Pourquoi ? Parce que la condition de l'enfer, c'est, il le dit lui-même, un rapport vicié à autrui. Alors, évidemment, il n'approfondit pas cette formule qu'est-ce qu'on appelle un rapport vicié à autrui. Pour bien comprendre cette formule, je vous propose de faire à nouveau un petit détour par l'être et le néant. En fait, la grande thèse de Sartre, qui est au cœur de l'être et le néant, c'est que l'individu, le sujet, est habité par un désir d'être et qui est un piège. Ce désir d'être est un piège dans la mesure où il ne peut pas être satisfait. Ce désir ontologique qui hante le sujet ne peut pas être satisfait et, notamment, il ne peut pas être satisfait dans la relation du sujet avec les autres. Autrement dit, ma relation aux autres est une relation viciée au sens où j'attends d'autrui ce qu'il ne peut pas me donner. J'attends des autres ce qu'ils ne peuvent pas me donner. J'attends qu'ils m'admirent, j'attends qu'ils m'aiment, j'attends, etc. Et l'amour que j'attends, c'est un amour que l'autre ne peut pas me donner. Ça ne veut pas dire que l'amour est impossible entre les êtres, non. Mais il y a une certaine forme de relation amoureuse, on pourrait dire une forme de passionnelle de la relation amoureuse, qui est vouée à l'échec parce que j'attends de l'autre ce qu'il ne peut pas me donner. Et il faut bien donc comprendre que dans Huis clos, toute la pièce repose sur le point de départ suivant, chacun, garçon, Inès, Estelle, chacun attend de l'autre qu'il le sauve. Chacun attend de l'autre ce que l'autre ne peut pas lui donner. Et notamment, j'attends que l'autre me regarde, j'attends que l'autre me contemple, et j'aimerais m'approprier ce regard, j'aimerais me sauver grâce à ce regard, mais le salut n'est pas possible. D'une certaine manière, ces personnages pourraient sortir d'enfer en renonçant à se sauver. Et ce qui est intéressant, c'est que tout au long de la pièce, à plusieurs reprises, Garcin propose des solutions pour se sauver. Et j'aurais envie de dire, mais c'est le jour où chacun dira, ben, on renonce à se sauver, qu'ils seront sauvés. Mais là, c'est pas le cas, et donc l'enfer, c'est les autres, et ils sont condamnés à être les bourreaux des uns des autres. Mais dans quelle mesure est-ce que cet enfer qui nous est donné à lire dans Huis clos est représentatif de notre vie réelle, c'est-à-dire hors du texte de Sartre et hors de la métaphore de l'enfer? En d'autres termes, jusqu'où pour Sartre, autrui est nécessaire à ma propre vie, à ma propre identité? Parce que c'est ce qu'il semblait dire dans l'archive, hein, Sartre, que si autrui m'est parfois insupportable, c'est parce que je ne peux pas me connaître sans lui, je suis dépendant de lui. Mais pour Sartre, il n'y a pas vraiment d'identité personnelle. Donc, est-ce que le recours à autrui n'est pas la seule façon que j'ai de m'assurer de ma propre existence? Évidemment, et c'est ce que souligne Sartre, nous sommes toujours tentés de savoir, grâce à autrui, qui nous sommes. Et nous sommes tentés de demander à autrui de nous conférer une identité. Je dirais que pour Sartre, justement, il faut savoir ne pas demander à autrui ce qu'il ne peut pas nous donner. Pourquoi ? Parce que, alors, je dirais pas, ça c'est la difficulté du concept d'identité, je dirais pas que l'identité est impossible, mais ce qui est impossible pour Sartre, et là je crois qu'il a raison, ce qui est impossible, c'est d'avoir une identité de chose, l'identité d'une pierre, l'identité d'un être qui est ce qu'il est. Nous sommes des êtres temporels, nous changeons, nous avons un passé, nous avons un avenir, nous nous temporalisons, si on peut dire, et donc nous ne pouvons pas avoir une identité de chose, l'identité d'un verre d'eau ou l'identité d'une pierre. Or, ce que nous attendons d'autrui, c'est que l'autrui nous révèle et nous donne cette identité que nous ne pouvons pas avoir. Et là, on s'engage dans de fausses relations avec les autres. C'est quand je cherche l'admiration d'autrui, je cherche aussi une forme d'identité et je quémande, je demande à l'autre. Alors parfois l'autre, pour me faire plaisir, peut me dire « Ah mais tu es génial, tu es formidable » et ça me fait 30 secondes plaisir. Mais ça ne résout pas la question fondamentalement parce que je n'ai pas cette identité de chose. Et l'autre ne peut pas me donner cette identité. Et donc si on veut bien comprendre cette pièce et son rapport avec notre vie quotidienne, notre vie courante, Je dirais que Sartre dévoile un aspect de nos relations aux autres. Heureusement, j'espère, que toutes nos relations aux autres ne sont pas sur ce mode-là, sur ce mode d'un désir pourri et d'une attente qui ne peut pas être satisfaite par autrui. Mais il est évident qu'il y a toute une relation aux autres qui est mise en scène par Sartre dans Huis clos. Et il est vrai que nos relations avec les autres sont toujours difficiles. Fondamentalement, la relation à autrui est difficile. Pourquoi ? Encore une fois, parce que, justement, on attend trop de l'autre. On demande à l'autre ce que l'autre ne peut pas nous fournir. Et à partir de là, on est exaspéré, on en veut, etc. Et c'est mal parti. En ce sens, les relations autrui sont toujours, toujours difficiles. Il n'y a pas de relation heureuse et apaisée. Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours tentés de demander à l'autre ce qu'il ne peut pas nous donner. Et Sartre nous permet-il de penser à un mode de relation qui soit le moins conflictuel possible ? Est-ce qu'une relation, disons, saine entre deux personnes existe dans le prisme sartrien, ou est-ce que c'est toujours soit conflictuel, soit objectivant, soit destructeur ? Alors, moi, je dirais que pour Sartre, sans aucun doute, une relation, on pourrait dire, apaisée à l'autre est possible, mais ça suppose tout un travail. Un travail sur soi, une forme de renoncement. Renoncer, par exemple, à être admiré, renoncer à se sentir supérieur, renoncer à beaucoup de choses. Et à ce moment-là, peut-être que une autre relation peut s'établir avec l'autre. Mais évidemment, je dirais que c'est pas donné d'emblée. Et il y a peut-être ici une question de, j'ai envie de dire, de maturité. Peut-être de maturité affective, on pourrait dire. On commence mal avec les autres. Et les relations sont difficiles. Peut-être que ça se termine pas trop mal. On peut quand même arriver de temps en temps à avoir des relations apaisées, véritablement amicales ou amoureuses. Je dirais que c'est une tâche, c'est difficile. Et que pour Sartre, c'est pas donné. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il nous reste quelques minutes avant de terminer cette émission, et c'est pas sur la note de l'apaisement que nous allons nous quitter, Philippe Cabestan. Puisqu'on va évoquer très rapidement, malheureusement il nous reste peu de temps, mais entre la lecture de la chambre et celle de Huis clos, on a déjà donné beaucoup de travail à l'auditeur. On peut en rajouter une dernière couche très rapidement donc avec ce texte qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Les séquestrés. Alors le terme lui-même explique pourquoi je parlais pas d'apaisement. Les séquestrés d'Altona, qui date de 1959, et là on est dans ce qu'on peut appeler l'enfermement volontaire. Alors là, effectivement, on a une très belle pièce aussi, et là je regrette qu'elle ne soit pas plus souvent montée. Elle est difficile à monter parce que c'est une pièce qui est assez compliquée, qui est longue, avec un certain nombre de personnages. Donc, c'est pas Huis clos est assez facile à monter puisque en gros il y a quatre comédiens, donc c'est pas trop coûteux. Les séquestrés d'Altona, c'est plus coûteux, c'est certainement beaucoup plus compliqué, mais c'est une belle pièce et c'est le récit d'un enfermement, mais d'un enfermement. Alors, est-ce qu'on peut le dire volontaire ? Oui et non, parce que à nouveau le personnage principal, donc Franz, est un fou. Mais un fou au sens de Sartre, c'est-à-dire un fou qui n'est pas fou comme on voudrait qu'il soit fou, c'est-à-dire un fou complètement fou, mais c'est un fou qui reste un être humain et qui a toute son humanité. Et cet homme, donc Franz, est enfermé dans une chambre, et on découvre, au fur et à mesure qu'on avance dans la pièce, on découvre que cet enfermement, eh bien, il est lié à un passé, à des épreuves, et il faut reconnaître que Franz, lui, ne supporte pas la défaite de l'Allemagne, il ne supporte pas de voir ce que l'Allemagne est devenue, et il s'enferme pour ne pas voir l'Allemagne. Et c'est une belle pièce, parce que c'est vraiment une pièce où il y a une tension dramatique et à nouveau une réflexion sur la folie et le rapport aux autres. Puisque Franz est enfermé en lui-même, enfermé dans sa chambre, mais il a réussi à enfermer aussi toute la famille, et le père est sur le point de mourir, et il voudrait que le reste de la famille reste enfermé pour alimenter, pour s'occuper de Franz. Et c'est vraiment une belle réflexion à nouveau sur l'enfermement que nous propose Sartre. Et s'il fallait donner un conseil à l'auditeur pour lire ces textes, est-ce que ce serait de les lire dans l'ordre que nous avons suivi pour cette émission ? D'abord La Chambre, puis Huis clos, puis Les séquestrés d'Altona, ça vous paraît un bon programme ? Ah, moi je commencerai par La Chambre en tout cas. Oui. Je sais pas si je recommanderais la lecture des séquestrés d'Altona. C'est une lecture qui est pas facile. J'ai peur que nos auditeurs soient un peu déroutés. Alors que Huis clos se lit très bien. Moi, il me semble que huis clos, ça se lit facilement. Et puis, on peut trouver peut-être aussi sur le net, sur Internet, des interprétations. Il me semble que la pièce Les Séquestres d'Altona, j'ai dû la lire plusieurs fois pour rentrer dedans. Mais il y a des beaux passages. Hein, y a des beaux passages. C'est une pièce qui est longue. Elle a été mise en scène avec notamment Serge Reggiani, dans le rôle principal, dans le rôle de Franz, et ça c'est une mise en scène et ça a marqué l'histoire du théâtre. Oui. Parce que c'est un rôle qui est vraiment écrasant et que je regrette, moi j'ai pas vu, hein. J'aurais aimé entendre ou voir un enregistrement de cette interprétation, mais c'est pas une pièce facile, mais ça reste une très très belle pièce, peut-être avec huis clos l'une des plus belles pièces de Sartre. Bon, et on peut lire aussi en attendant l'imaginaire de Jean-Paul Sartre, dont une nouvelle édition va paraître en septembre, n'est-ce pas? Alors là, vous avez une longueur d'avance sur moi. Je le savais pas. Je suis heureux de l'apprendre. Eh bien, parce que c'est un texte qui est absolument fascinant. Merci beaucoup, Philippe Cabestan, de nous avoir parlé de Sartre ce matin. Je vous laisse avec vos murs, avec autrui, et j'espère sans enfer. Merci, Adèle. Au revoir. On se quitte avec La rue des Blancs Manteaux, une chanson que l'on trouve dans la pièce Huis clos, interprétée ici par Juliette Gréco. Dans la rue des Blancs Manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des Blancs Manteaux. La rue des Blancs Manteaux, le bourreau s'est levé tôt, c'est qu'il avait du boulot, trop qui coupe des généraux, des évêques, des amiraux, dans la rue des Blancs Manteaux, dans la rue des Blancs Manteaux. Des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux, mais la tête leur faisait défaut. Elle avait roulé de son haut, la tête avec le chapeau dans le ruisseau des Blancs Manteaux. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui agite régulièrement les débats publics ou entre amis, les chercheurs et les spécialistes, un débat d'ordre technologique, les assistants vocaux. Alexa, Google ou Siri, chacun propose de nous aider au quotidien en formulant à voix haute une requête. Deux, on dit beaucoup de choses, intrusives, inutiles, pas au point et suspects de remplacer l'homme. Pourtant, s'il y a bien une chose que j'ai remarquée à force de les pratiquer, c'est leur incroyable opacité. Ils restent impénétrables. Comment ces objets censés faciliter la vie la rendent-ils aussi plus obscure? Ça, c'est Google Home. Avec lui, vous allez vite prendre goût au luxe d'avoir un assistant à la maison. Vous pouvez lui dire des trucs du genre « Ok Google, c'est quoi mon programme aujourd'hui ?» ou « Éteins la lumière ». Vous vous prenez pour qui ? Pour une personne normale très importante avec un assistant qui peut dire « Le supermarché est ouvert jusqu'à 21h » ou « Votre vol pour Nice est à l'heure » ou même « Vous voulez que je vous appelle boss ? C'est bien ça ?» Quoi ? Confinement oblige, j'ai pu expérimenter au maximum cette invention high-tech, les assistants vocaux. Allumer la lumière, mettre la radio ou une chanson de mon choix, connaître la définition d'un mot ou une recette, et j'en passe. En quelques semaines, OK Google et Alexa sont devenus mes compagnons, de nuit comme de jour, fidèles, impartiaux, certes faillibles. J'avais pourtant des a priori, inutiles, pas au point, inconstants et même intrusifs. C'est vrai que l'assistant vocal a ceci de particulier, se faire oublier tout en étant là tout le temps, telle une petite souris qui vous épie. Je me suis plusieurs fois demandé d'ailleurs ce qu'il pensait de mes choix musicaux, de mes recherches absurdes et de mes conversations amicales. Car malgré son absence de jugement, l'assistant vocal reste, il faut le dire, un spectateur omniprésent, qui doit bien stocker un certain nombre d'informations sur ma vie et qui, au fur et à mesure de mes demandes, de mon ton et du moment, doit pouvoir brosser mon portrait. Alexa et Google ont un accès privilégié à moi. Mais moi, quel accès ai-je à eux? Que me donnent-ils à voir de ce qu'ils sont, de ce qui les anime? Comment comprendre le fait que des objets en sachent tant sur ma vie quand moi, je n'ai rien à en dire? Regarde ce petit galet rond couleur saumon, mon petit OK Google, innocemment posé sur une étagère, je me crois dans un film de Miyazaki et je m'attends à voir ce rond tout mignon se transformer en une adorable petite fille douée de pouvoirs surnaturels. Mais il faut bien le dire, loin du personnage animé japonais, Ponyo, j'ai plutôt l'impression d'être dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau, où les murs du château du monstre semblent avoir des oreilles et où ses statues clignent des yeux et bougent insensiblement leur visage. Aussi fou que cela puisse paraître, les assistants vocaux me donnent plus l'impression de vivre dans un vieux conte obscur qu'à la pointe du XXIe siècle. Pas tant parce que je me sens menacée ou maudite comme la bête, mais parce que je ne sais jamais à quoi m'attendre. Alexa va-t-elle finalement mettre la radio ou baisser le volume? En saura-t-elle plus cette fois-ci sur la Seconde Guerre mondiale? Et plutôt que de me dire « je ne sais pas », pourra-t-elle enfin m'éclairer sur le bureau de tabac le plus proche de chez moi? Non seulement les assistants vocaux ne disent rien d'eux, mais ils ne disent rien tout court. C'est tout le paradoxe, ils ont beau écouter et parler, ils restent souvent sourds à mes questions existentielles et muets sur l'essentiel. Quand Alexa me dit ainsi je ne sais pas », OK Google déclare « une erreur s'est produite ». Que faire donc d'une assistance qui échoue tant à m'aider ? N'ayez pas peur. Je n'aurai pas peur. Belle. Acceptez-vous que je vous voie souper? Vous êtes le maître. Non. Il n'y a ici de maître que vous. Pire qu'un échec répété à m'aider, les assistants vocaux sont aussi coupables de rendre fou. Car que faire d'une aide qui n'en est pas une, mais qui en plus vous empêche, vous freine, vous fait perdre du temps à vociférer et qui, tel un miroir, vous renvoie à cette image de vous, seul, en train de crier contre un bout de plastique. Quand j'y pense, OK Google, Alexa ou Siri occupent une place inédite dans notre environnement. Plus que des machines dédiées à certaines tâches, comme une machine à laver, moins que des êtres humains à peu près accessibles à l'écoute, différents des personnages de fiction qui peuplent nos imaginaires, ils incarnent l'objet à son paroxysme. Toujours présent, mais inquestionnable, imprégné de notre atmosphère, mais pourtant indifférent. Qu'aurait donc dit un Gilbert Simondon, le philosophe du mode d'existence des objets techniques, de ces objets-là? Dommage, encore une fois, je n'aurai pas de réponse. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission et c'est un travail colossal. Clara de Giovanni, Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette émission, à la prise de son aujourd'hui c'était Nasser Moussaoui, à la lecture du texte Denis Podalides, merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison, et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette série autour de la chambre. Demain on ira dans la chambre de Proust, à la recherche des paradis perdus en compagnie de Raphaël Antoven. D'ici là, sachez que vous pouvez comme toujours télécharger, podcaster cette émission pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires. On se retrouve donc demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.